بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mercredi 18 ذو الحجة de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 28 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. On s'est rendu dans ces leçons très bénéfiques et très simples. On s'est rendu à la 11e leçon qui concerne le fiqh et le fiqh de la salat. Et cette leçon, Cheikh Rahimallah l'a réservée à Mubtilat al-Salat. Il a dit Rahimallah, Mubtilat al-Salat wa hiya thamaniya. Donc les annulatifs de la salat qui sont au nombre de 8. Donc, Cheikh a cité les conditions, les piliers, les obligations, les sunan. Et maintenant, les annulatifs de la salat. Il y a une autre chose que les savants citent. Ce sont makruhat ou salat. Les choses qui sont détestables dans la salat, qui n'arrivent pas au degré d'annuler la salat, mais qui sont quand même détestables. Je vais en citer quelques-uns, si j'oublie pas, vers la fin de ce cours, mais ici je l'ai mentionné uniquement pour que vous sachiez qu'il y a des choses aussi, comme ce qui annule la salat s'oppose aux piliers et obligation de la salat. Il y a des choses qui s'opposent à ce qui est recommandé dans la salat, qui sont les choses détestables. Et effectivement, beaucoup de ce qui est détestable dans salat peut se déduire des sunan, notamment le délaissement des sunan. Le délaissement des sunan de la salat, sans qu'il y ait une raison qui justifie ce délaissement. Car le délaissement de sunna, quand bien même ça n'annule pas la salat et ça ne la rend pas invalide, ça peut laisser comprendre un certain rejet de sunna, une certaine négligence de la sunna. C'est pour ça le croyant est tenu d'accorder le maximum d'importance à toutes ces salawat, qu'elles soient obligatoires ou surrogatoires, et de les pratiquer comme le Nabi alayhi salatu wassalam faisait sa salat. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'avaient les compagnons, radiallahu anhum. Il n'y avait pas chez eux, comme aujourd'hui pour nous, yani, est-ce que le souci des gens, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Comme s'il te disait, si ce n'est pas obligatoire, je ne le ferai pas. Il fait uniquement ce qui est obligatoire. Sahaba était dans un autre état d'esprit. Est-ce que le Nabi alayhi salam l'a fait? Ils le font dans la mesure du possible. Et Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Mais une chose que le Nabi alayhi salam a fait, et lui il est capable de la faire, il ne va pas la délaisser sous prétexte que ce n'est pas obligatoire. Donc, Mubtilat Salat sont au nombre de 8. Mubtilat Salat, c'est les choses qui annulent la Salat. Et on va voir les détails de ces choses-là, car ce n'est pas la même règle pour les 8 points qui sont cités ici. Le premier point, الكلام العمد مع الذكر والعلم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. Donc la première chose qui annule la salat, c'est de parler volontairement et consciemment, tout en sachant que ceci, c'est-à-dire parler dans salat, l'annule. Par contre, celui qui parle par oubli ou par ignorance, sa salat n'est pas annulée. Donc, parlez volontairement. Parlez volontairement pour faire sortir celui qui parle par oubli. Quelqu'un, il est dans salat, un moment, il oublie qu'il est dans salat, ou là, il voit son fils, il lui parle devant lui. Il oublie qu'il est dans salat. Donc, les paroles par oubli n'annulent pas salat. Également par ignorance. Les paroles par ignorance. Comme c'est arrivé à un compagnon, il a parlé dans salat, ensuite Nabi alayhi salatu wa sallam lui a enseigné. Il lui a enseigné, le compagnon, c'est... Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. Yani, Allah alam, c'est ce compagnon. Je ne suis pas sûr, mais c'est ce compagnon qui a parlé dans Salat. Ensuite, Nabi alayhi salatu wa sallam lui a enseigné que dans Salat, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Et pour votre connaissance, parler dans salat n'était pas interdit au tout début de la législation de la salat. Il parlait dans salat. Et ensuite, ça a été abrogé. Et toute parole dans salat, qui n'est pas légiférée dans cette salat, a été interdite. Et il n'est devenu légiféré que les paroles qui sont légiférées dans la salat. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a enseigné, lui a dit « Inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. » Naam, avec certitude, c'est Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Dans cette salat, il n'est pas permis de parler avec les paroles des gens. » Yani, les paroles qui sont en dehors de salat. Et c'est uniquement at-tasbih wa at-takbir wa qira'at al-Qur'an. Donc ça, c'est les choses qui sont légiférées dans le salat. Takbir, Allahu Akbar, at-tasbih, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, et la récitation du Qur'an. En résumé, ce n'est autorisé de dire dans ta salat que les choses qui sont légiférées. Et tu ne peux pas parler avec autre que ce qui est légiféré dans la salat. Il y a des paroles qui sont légiférées explicitement, telles que takbir, tasbih, tahmid, et d'autres choses qui sont légiférées, yani la catégorie de cette chose est légiférée, telles que du'a. Il n'a pas été déterminé une invocation précise. Il y a des invocations recommandées, comme on a vu. Mais tu peux invoquer Allah avec ce que tu souhaites parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Maintenant, on a compris que parler dans salat l'annule. Quelle est la chose qui est considérée comme une parole dans salat? Est-ce que une seule lettre, tu prononces une seule lettre, est-ce que c'est une parole? Est-ce que ça annule la salat? Les savants ont divergé par rapport à ces choses-là, la détermination de la parole qui annule la salat, après leur accord sur le fait que la parole annule la salat, la parole en dehors de salat. Il y en a qui ont dit, et ça c'est beaucoup de savants, ils ont dit, celui qui parle avec une parole qu'on comprend et qui a un sens, tout en sachant, yani, il parle volontairement et consciemment, il connaît le jugement de la parole dans ce salat. Alors sa parole, alors sa salat est invalide. Ça annule automatiquement la salat. Donc, ils n'ont pas donné yani, un critère en nombre de lettres, comme c'est le cas de d'autres savants, mais ils ont dit du moment que c'est une parole qu'on comprend et qui a un sens, ça annule la salat. Toute chose qui s'appelle parole annule la salat. Et la parole, c'est yani, composé de lettres ayant un sens. Et d'autres savants ont dit deux lettres. Yani, il prononce clairement deux lettres, ça annule sa salat. Par exemple, il dit la c'est composé de deux lettres et ça a un sens, ça annule la salat. Ou il dit fi pour eux ça aussi ça annule la salat à la condition qu'ils le disent volontairement, consciemment. Tout en sachant le jugement de la parole dans la salat. Donc, ça, c'est la première chose qui annule la salat. D'autres savants donnent une autre précision par rapport à la parole qui annule la salat. Ils disent, toute parole qui n'est pas légiférée dans la salat, excepté, ils font une exception. Donc ça, c'est bien de le préciser, car même ceux qui ne le précisent pas, c'est valable pour eux. Ils disent excepté une parole pour l'intérêt de la salat. Donc, il n'a pas parlé dans sa salat, mais il a parlé pour l'intérêt de la salat. Un exemple. Tu pries derrière un imam. Salat dhuhr. Après trois rak'at, il s'est assis, il a commencé à faire tashahhud pour faire salam. Ensuite, les gens derrière lui disent « Subhanallah, Subhanallah ». Rien à faire. Il ne comprend pas, ou là, il ne sait pas, ou là, il est... Mohim, en tout cas, ils ont tout essayé avec ce qui est légiféré, et ça n'a pas donné de résultat. À ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un derrière lui lui dit « T'as prié que trois rak'as. T'as prié que trois rak'as. » Donc ça, c'est une parole à la base qui annule la salat. Mais comme c'est une parole pour l'intérêt de la salat, ça n'annule pas ta salat, si tu le dis. Mais vraiment, en dernier recours, car ce qui est légiféré pour les hommes, c'est tesbih, de dire subhanallah, subhanallah. Et pour les femmes, c'est yani, de claquer des mains. Tasfiq. Quand elle est yani, dans le jama'a. Ça, c'est le premier point qui annule la salat. Le deuxième... Le deuxième, c'est que Cheikh Rahimallah l'a cité, il a dit Ad-Dahik. Ad-Dahik. Ou, Afwan, avant de passer à ce deuxième, je souhaite mentionner Hadith Dhul Yadayn, radiallahu anhu. Nabi alayhi salatu wasalam, une fois, il a prié une salat de 4 rak'at. Dhuhr ou l'asr. Et quand il a prié, après 2 rak'at seulement, il a fait salam. Il a fait salam. Ensuite, le seul qui a osé parler, c'est Dhuliyadein, justement. Dhuliyadein. Il s'appelle Dhuliyadein, celui qui a deux mains. C'est pas parce qu'il a deux mains, mais parce qu'il avait des mains un peu longues par rapport à l'habitude. Par rapport à ce qui est habituel. Il avait, yani, une certaine longueur dans ses mains. Donc, Dhuliyadein, radiyallahu anhu, il a dit au prophète, alayhi sallam, il lui a dit, est-ce que la salat a été raccourcie? Car le prophète, alayhi sallam, c'est pas comme un imam aujourd'hui, dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a eu une abrogation, un changement dans la législation. C'est pour ça, il a cité cette hypothèse en premier lieu. Il lui a dit, est-ce que la salat a été raccourcie? Car la salat, c'est 4 rak'at. Nabi alayhi sallam a prié 2. Seulement. Il a dit, est-ce qu'elle a été raccourcie ou est-ce que tu as oublié, ô messager d'Allah? Le prophète, alayhi salam, leur a dit, est-ce que ce que Dhuliyadein dit est vrai? Ils ont dit oui, ô messager d'Allah. Car ça se peut qu'il a, yani, qu'il s'est trompé et que salat était complète. Nabi alayhi salam a demandé à ceux qui étaient présents, parmi ceux qui étaient présents, Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Il leur a dit, est-ce que ce que Dhuliyadein dit est vrai? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Et il s'est levé directement, il a fait takbir, il a prié 2 rak'at, et il a fait salam, et après salam, il a fait 2 prosternations de distraction. 2 prosternations seulement. C'est-à-dire, il n'a pas fait de prosternation et ensuite tashahhud. 2 prosternations, il a fait salam. Donc, le Nabi alayhi salam a pris en compte les 2 rak'at précédentes, malgré qu'il a parlé avec tout ce discours qu'il a échangé avec les compagnons, radiallahu anhu. Donc, parler par oubli ou par ignorance, n'annule pas la salat. N'annule pas la salat. Et Nabi alayhi salam, ici un point très important, il a fait les 2 prosternations après salam. Il les a fait après salam. Pourquoi? Pourquoi il a fait 2 prosternations après salam? Vous savez que dans le madhab, le maliki, et c'est l'avis de Cheikh Islam Taymiyyah, et c'est le choix de Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il y a un rajout dans salat, on fait les 2 prosternations après salam. Et quand il y a une diminution, on les fait avant salam. Et le doute également, les 2 prosternations ont lieu avant salam. Donc, qui peut d'entre vous me dire pourquoi le Nabi alayhi salam a fait les 2 prosternations après salam? طيب جزاك الله خيرا اخي الكريم دونك النبي عليه الصلاه والسلام a fait 2 prosternations après salam car il y a eu des rajouts dans salat notamment le fait d'avoir parlé comme a dit le frère également le fait d'avoir fait un salam salam c'est un rajout car tout ce que tu fais avant que la salat ne soit complète c'est des choses yani, rajoutées dans ta salat. C'est pour ça qu'il a fait les 2 prosternations après salam. Et ça appuie le madhhab de l'imam Malik dans ce jeu de sahou. Car ça permet d'utiliser tous les hadiths rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a dit que celui qui parle par erreur, par oubli, par ignorance, est pardonné. Également, quelqu'un qui parle malgré lui. Donc on a dit celui qui parle volontairement. Donc supposons quelqu'un, il parle malgré lui. La parole est involontaire pour lui. Comme quelqu'un qui a un mess dans salat, Shaitan il parle et t'entend des choses sur la langue de ce frère. Ça n'invalide pas salat, bien évidemment. Car ce ne sont pas ses paroles et ce ne sont pas ses actes. Également quelqu'un, pour un autre exemple de quelqu'un qui parle involontairement, quelqu'un par exemple pendant salat, il lui tombe quelque chose de lourd sur le pied. Et ça lui fait mal, il dit « aïe ». Donc là, c'est deux lettres. Ça doit annuler la salat, mais ça n'annule pas salat, car c'est une parole involontaire. Donc la condition pour que la parole invalide salat, pour résumer ce point, c'est parler volontairement, consciemment, en connaissant le jugement de la parole dans la salat, et non pas pour l'intérêt de la salat. Le deuxième point, c'est ad-dahik. Ad-dahik, également, yani le rire, également, fait partie des annulatifs de la salat. Car le rire s'oppose, le rire est contraire à la sagesse de la législation de salat. Salat a été légiféré afin que le serviteur, quand il se place entre les mains de son Seigneur, devant son Seigneur, avec concentration et dévotion et soumission, et non pas pour rire. Donc rire est contraire et opposé à la réalité et la nature de la salat. Et il est contraire même à l'âme de la salat. Donc rire, le rire volontaire, الضحك العمد يبطل الصلاة. Dans le madhhab al-maliki, ça c'est une particularité de le madhhab al-maliki, même rire, le rire par erreur ou là par distraction annule la salat. Mais ce qui est juste, wallahu a'lam, c'est que le rire volontaire seulement annule la salat. Ce qui est involontaire est pardonné. Mais le croyant, il doit s'habituer à, quand il est dans sa salat, il est dans un état, yani, devant Allah subhanahu wa ta'ala, un maximum de sérieux et un maximum de concentration. Et les savants, ils citent le rire, et non pas le sourire. At-tabassum. Et surtout le rire qu'on appelle qahqaha. La personne, quand elle sourit, yani un rire bruyant. Yani en français, ils disent, elle s'esclave de rire. Elle s'esclave de rire, c'est-à-dire elle va faire un rire bruyamment. Ce rire, le qahqaha, annule la salat. Ou là, elle rit à haute voix. Ça aussi, ça annule la salat. Mais un sourire, la différence entre le rire et le sourire, le rire, c'est une expression. Au niveau du visage, c'est une expression légèrement rieuse. C'est un simple mouvement des lèvres et des yeux. Ça se manifeste comme ça. Et même la bouche, elle ne s'ouvre pas complètement, contrairement au rire. Donc le sourire, ça n'annule pas la salat. Mais le rire annule la salat. Dans le madhab al-Hanafi, il y a une particularité. Ils disent, le rire annule la salat et les ablutions. Le rire annule la salat et les ablutions. C'est-à-dire, si tu ris, ça annule tes ablutions. Et ils se sont basés sur un hadith qui est faible chez la plupart des savants. Hadith a été rapporté par l'imam Ad-Darqutni et Ibn al-Jawzi l'a cité dans son livre Al-Ilal al-Mutanahiya, yani parmi les hadiths faibles. Ce hadith, il est rapporté comme quoi un homme qui était aveugle est venu, yani est venu pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était avec ses compagnons dans le salat. Et il est tombé dans une flaque d'eau. Et comme quoi, un des compagnons, radiallahu anhum, a ri suite à cela. Et même si on suppose que c'est authentique, bien évidemment, ça, ce n'est pas un rire de moquerie ou de raillerie. Yani, c'est un rire quand tu vois une chose surprenante, étonnante. Yani, c'est pas la moquerie, bien évidemment. De toute façon, le Nabi alayhi salam, quand il a terminé sa salat, il est rapporté qu'il a dit à ce compagnon, et qu'il a dit, celui qui a ri, il ne l'a pas précisé, celui qui a ri, il recommence sa salat, et il renouvelle ses ablutions. Ou il lui a dit plutôt, celui qui a ri, il renouvelle ses ablutions, il recommence sa salat. Il recommence sa salat. Mais le hadith est faible et le jugement tiré de ce hadith n'est pas vrai. Donc, le rire annule la salat. Naam. Mais ça n'annule pas les ablutions. Et ça, c'est chez la plupart des savants. La plupart des savants, c'est comme ça, excepté chez Al-Hanafiya, dans le madhab Al-Hanafi. Le troisième et le quatrième point parmi ce qui annule la salat, le troisième c'est l'akl, manger, et le quatrième c'est boire, ash-shurb. L'akl ou ash-shurb. Donc manger et boire, ce sont deux choses qui annulent la salat. Et pour la même sagesse qui a été citée dans le rire, car la salat n'a pas été légiférée pour que tu manges et que tu boives. La salat, c'est le serviteur quand il est dans la salat, il doit être dans un état d'humilité et un état d'humilité profonde et faire preuve d'une grande servilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de soumission et de dévotion. C'est ça, salat. C'est pas manger et boire. Et il n'y a pas de différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Et ça, c'est une règle très très bénéfique. Que tu dois noter, c'est que tout ce qui est légiféré dans salat obligatoire est légiféré dans salat surrogatoire. Et tout ce qui est valable pour la salat obligatoire et valable pour la salat surrogatoire. Jusqu'à preuve du contraire. Sauf si on a un dalil qui nous dit que cette chose est spécifique à la prière obligatoire. Ou qu'elle est spécifique à la prière surrogatoire. Sinon, tout ce qui est valable pour salat obligatoire est valable pour salat surrogatoire. Il a été rapporté de certains salafs qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de mal à boire et non pas manger, boire dans la prière surrogatoire. Parce que yani, dans le désert, il fait très chaud, la personne elle peut prier une longue prière, elle peut avoir très soif. Ils ont vu qu'il n'y a pas de mal à boire. Mais ce qui est juste, Ça, ça a été cité par l'imam Ibn Qudama dans son livre précieux, un trésor qui s'appelle Al-Mughni, en 15 volumes. Donc, mais ça, c'est pas un avis juste. Ce qui est juste, c'est dans la prière obligatoire, comme dans la prière surrogatoire, il est interdit de manger et de boire. Il est interdit de manger et de boire. Et si la personne a soif, elle termine rapidement sa salade et elle boit. Et si elle veut prier à nouveau, elle prie à nouveau. Le cinquième point parmi ce qui annule la salat, inkishaful awra. Découvrir l'awra. L'awra, comme on a vu, ça fait partie des conditions de couvrir l'awra, ça fait partie des conditions de la validité de salat. Le croyant et la croyante dans sa salat, ils doivent, tous les deux, ils doivent couvrir leur awra. Et nous avons vu ce que c'est l'awra pour l'homme qui doit être couverte obligatoirement. Est-ce que c'est l'awra pour la femme qui doit être couverte obligatoirement dans sa salat, quand on a parlé des conditions de la salat. Donc si une partie de cette awra qui doit être couverte obligatoirement se découvre dans la salat, la règle, c'est que ça annule la salat. Mais les savants citent un détail. Ils disent l'awra est de deux catégories. Awratun mughallaza wa awratun mukhaffafa. L'awra que tu dois couvrir dans ce salat, elle est de deux catégories. La première catégorie, c'est l'awra al-mughallava. L'awra, la forte awra, ou l'awra aggravée. Et il vise par cela les parties intimes. Les parties intimes pour l'homme et pour la femme. Devant et derrière. Donc ça, pour eux, c'est une awra mughallava. Si elle se découvre pendant la salat, ne serait-ce que pendant un petit laps de temps, la salat devient invalide automatiquement. Et l'autre awra, l'awra al-mukhaffafa, allégée, c'est le reste. Le reste de ce qui doit être couvert pendant salat. Cette awra mukhaffafa, si elle se découvre pendant salat, pendant un petit moment, et qu'il la couvre aussitôt, salat ne s'annule pas. Mais si elle se découvre pendant un long moment, salat devient invalide. Salat devient invalide. C'est pour ça qu'il est très important pour tout croyant et croyante de faire les causes avant d'entrer dans la salat. Malheureusement, on voit certains de nos frères qui portent des pantalons serrés ou des t-shirts courts. Dès qu'ils s'incline pour le recours, le t-shirt remonte et le pantalon descend et tu vois l'awra al-mughallava. Tu vois le postérieur devant toi. Et combien de fois ça arrive, ces choses-là? Yahi, n'expose pas ta salat à ce qu'elle soit annulée et invalide. Fais les causes, ne serait-ce que pendant salat. Donne de l'importance à la salat. كما دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أمه كالله لغري لوي sa mère. عبد الله بن مسعود il a dit la valeur de l'islam dans ton cœur est égale à la valeur de la salat pour toi. L'importance de l'islam dans ton cœur, c'est pas ce que tu vas nous dire pendant des heures et des heures. Non. Tu veux savoir l'importance de l'islam dans ton cœur? Regarde l'importance que tu accordes à la salat. Et l'importance qui doit être accordée à la salat, c'est à demander la science qui concerne la salat, à veiller à la faire dans son temps. Pour l'homme en groupe, pour l'homme résident en groupe, et à faire les causes afin que ta aura ne se découvre pas dans ce salat. Et si tu es négligent, la salat risque de devenir nulle, comme on vient de le voir. C'est pour ça, fais les causes avant ce salat. Et habille-toi. Yani bien évidemment, ce qui convient à un croyant, c'est de s'habiller d'une manière ample et de ne pas porter des choses serrées. Et c'est pas ça qui va te rendre plus beau. Non. La beauté d'un homme, c'est pas dans ses habits, ni dans sa richesse. La beauté d'un homme, c'est dans son comportement. Et dans son attachement à sa religion. C'est la femme pour laquelle est demandé qu'elle s'embellisse et qu'elle aime à l'homme. Sa beauté, c'est de tenir sa parole, de respecter ses engagements, de protéger son épouse et sa famille. Ça, c'est la beauté d'un homme. Et si Allah il le comble avec une belle apparence, c'est un bienfait de plus. Mais c'est pas ça le critère de beauté qu'on regarde chez un homme. Ça, c'est les critères qu'on regarde chez les femmes. Une femme, elle se marie avec un homme, il est aussi beau que la plus belle des femmes, dans son visage. Mais, quand il s'agit de prendre des décisions importantes, quand il s'agit de faire face à des grandes épreuves, à des choses dures de la vie, peut-être que la femme, elle sera plus déterminée que l'homme. Et ça, tu l'entends malheureusement. Des sœurs qui sont déterminées pour le hijra, et l'homme, toujours il reporte. Jusqu'à ce qu'on ait cette somme. On va rester jusqu'à avoir cette somme, jusqu'à avoir cette somme. Yahi, tu sais pas ce que Shaitan il te prépare. Shaitan, il te prépare pour que là, ton âme quitte ton corps avant que tu arrives à cette somme. Et quand tu arrives à cette somme, il te dit, non, ça va pas te suffire encore. Il te faut plus. Reste encore une année. Donne-moi une chance pour qu'Allah prenne ton âme alors que tu es encore dans un pays de kufr. Et selon certains savants, rien de tes bonnes actions n'est accepté. Tout est suspendu jusqu'à ce que tu fasses les gens. Et de l'autre côté, tu vas trouver que la femme, elle est déterminée. Elle suit plus. Et Annie, ça, c'est des choses que. Annie, que je connais. La femme, elle peut arriver à supplier son mari, emmène-nous juste, nous, dans un pays d'islam, et laisse-nous, et retourne travailler ou fais ce que tu veux. Juste, aide-nous à nous sauver, nous et les enfants. Allah al-Musta'an. Si l'homme, avec une femme comme ça, il est encore dans un pays de kofr, ça c'est un grand problème. Et ces pays de kofr, ils font tout pour inverser les rôles, où la femme, elle devient, elle prend la place de l'homme, et l'homme, il prend la place de la femme, au point où t'entends maintenant, c'est, yani, la plupart de ceux qui fréquentent ces salons esthétiques et ces choses-là, yani, c'est des hommes. Et la femme, elle fait une coupe garçon, comme ça, elle n'a même pas besoin d'aller chez le coiffeur. Wallah al-musta'an. En tout cas, l'homme doit accorder l'importance maximale à sa salat et à tout ce qui puisse l'annuler, notamment la découverte de l'aura. Le sixième point que Cheikh Rahimullah a cité parmi ce qui annule la salat, al-inhirafu al-kathiru an jihati al-qibla. Le fait de dévier d'une façon importante de la direction de l'Qibla. Car s'orienter vers l'Qibla est une condition de validité de la salat, comme on l'a vu. Donc le fait de s'écarter de la direction de l'Qibla d'une manière importante annule la salat. Car il nous a été ordonné de nous orienter, de nous diriger vers l'Qibla. Et l'Qibla, c'est Al-Ka'ba al-Musharrafa. C'est Al-Ka'ba. Ka'ba, c'est l'Qibla des musulmans. Avant, c'était la Palestine. La première Qibla des gens de l'islam. Et ensuite, ça a été abrogé et Allah a ordonné de se diriger vers Al-Ka'ba al-Musharrafa. Donc, Cheikh, vous constatez qu'il a bien mentionné la déviation importante, car la petite et la légère déviation n'annule pas la salat. N'annule pas la salat. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, excepté dans le madhab Shafi'i, où pour eux, il est ordonné de se diriger dans salat vers le Kaaba elle-même. Vers le Kaaba elle-même. La plupart des savants, ils voient que l'obligation, c'est de se diriger vers et de s'orienter vers la direction de le Kaaba. Et non pas vers le Kaaba elle-même. Donc, il n'exige pas cette précision. Le seul cas où ils disent qu'il faut s'orienter vers le Kaaba elle-même, c'est quand tu es en face de le Kaaba. Là, il n'est pas toléré la moindre déviance, ne serait-ce qu'une déviance d'une phalange. Il faut que tu t'orientes vers le Kaaba, car c'est pas possible de la louper, sauf si tu le fais exprès. Faut pas ouvrir la porte l'ouest-ouest. Quand tu as le Kaaba devant toi, naam, là, il t'est demandé de t'orienter vers le Kaaba. Mais dans le madhab Shafi'i, il voit que c'est une obligation de s'orienter vers le Kaaba elle-même, partout que tu sois sur terre. Et ils disent, ne pensez pas qu'ils exigent une chose impossible, parce que pour eux, tu dois t'orienter vers le Kaaba elle-même, et non pas vers sa direction. Mais il suffit de penser fortement que t'es vers le Kaaba. Ainsi ta salat est valide. Mais comme j'ai dit, la plupart des savants, ils n'exigent pas cela. Et ils disent qu'il suffit de se diriger vers la direction de la Kaaba. Car le Nabi alayhi salam, il a dit pour les gens de la Médina, vous savez qu'à Médine, le Qibla, elle est dans la direction nord. Quand tu es à Médine, le Qibla, c'est dans le nord. C'est dans le nord. « Donc, pour quelqu'un qui est le Medina, Nabi a dit, ma bayna al-mashriq wal-maghribi qibla. Ma bayna al-mashriq wal-maghribi qibla. Donc, entre, il a dit, entre l'est et l'ouest, est une qibla. Donc, toute personne qui est orientée entre ce champ-là, délimité par l'est et l'ouest, dans la direction du nord, elle est dans le qibla. Elle est dans le qibla. Yani, imaginez ça. Tu as le nord devant toi. C'est le qibla pour les gens de la Médina. Et l'est à ta droite et l'ouest à ta gauche. Donc, du moment que tu es dans ce champ-là, tu es dans la direction de le qibla, la bonne direction. Et ceci est suffisant. Donc ça, c'est un hadith authentique qui permet de rejeter l'avis de Shafi'iyya. Et qu'il suffit d'être dirigé vers la direction de l'Qibla, la direction de l'Ka'ba. Mais par contre, celui qui est devant l'Ka'ba, imaginons quelqu'un, il est dans la mosquée de Mecca, le Masjid al-Haram, celui-là, il lui est demandé d'être dirigé vers le Kaaba elle-même. Vers le Kaaba elle-même. Donc les savants précisent que la petite déviation ne nuit pas à la validité de Salat. Mais notez bien que la petite déviation est pardonnée, est tolérée. Mais ça ne veut pas dire que tu dois volontairement dévier de la Kaaba, ne serait-ce qu'une déviation légère, une petite déviation. Non. Mais ça, c'est quand c'est par erreur. Ou tu ne sais pas exactement. Par contre, comme on voit dans certaines mosquées, ils construisent la mosquée dans une mauvaise direction de l'Qibla. Et ils prient quand même dans cette mauvaise direction. Ça, c'est volontaire, c'est pas toléré. Quand c'est volontaire, ce n'est toléré ni la petite déviation, ni la grande déviation. Rien n'est toléré. Mais quand c'est par erreur, tu as fait les efforts et t'étais pas à 100% vers la direction de l'Qibla, mais t'étais écarté un tout petit peu, il n'y a pas de mal. Salat est valide. Et yani, comme critère pour la petite déviation, les savants disent tout ce qui est inférieur à 45 degrés. Tout ce qui est inférieur à 45 degrés. Et ça, ils l'ont tiré du hadith que je vous ai cité. T'es dirigé vers le nord. Le nord, il est devant toi. À ta droite, l'est. Et à ta gauche, l'ouest. Donc, entre le nord et l'est, il y a combien de degrés ? 90. Et entre le nord et l'ouest, il y a 90. Donc, une déviation de 45 degrés, la moitié de ce champ est considéré comme une petite déviation. Si tu la dépasses, c'est une grande déviation. Le septième point qui a été cité dans cette risala par Miskiani la salat, al-abathu al-kathir al-mutawali fi salat. Yani le grand nombre de gestes inutiles et d'une manière successive durant Salat. D'autres savants, ils l'expriment autrement, ils disent « Al-fi'lul kathir ». Les gestes, yani multiplier les gestes. Mais ici, c'est plus précis. C'est des gestes futiles, qui sont inutiles et d'une manière successive. Ce sont deux critères très importants. Donc maintenant, comment on détermine yani, le grand nombre de gestes fut-il dans Salat? Est-ce que c'est déterminé par 3, 4, 5, 6? Les savants disent toute chose, ça c'est une règle très importante et très précieuse. Toute chose qui a été citée dans la législation et qui n'a pas été déterminée, on revient dans sa détermination aux coutumes des gens. Quand tu es voyageur, tu as le droit de raccourcir Salat et de la regrouper. C'est quoi le voyage? Est-ce que dans la religion, il y a des textes explicites qui nous disent, voilà, le voyage, c'est comme ça? La réponse, non. C'est pour ça qu'on revient aux coutumes des gens. Tout ce qu'ils considèrent comme un voyage, c'est-à-dire la personne, quand elle veut parcourir cette distance et aller à cette destination, elle va se préparer comme se prépare le voyageur. Elle prépare ses provisions, ses vêtements pour se changer, et ainsi de suite. En tout cas, elle se prépare comme un voyageur. Là, ça sera considéré comme un voyage. Également ici. Ici, beaucoup de gestes futiles annulent Salat. C'est quoi beaucoup de gestes? On revient aux coutumes des gens. Ce que les gens considèrent comme beaucoup de gestes dans Salat, alors ça va annuler Salat. Et ce qui n'est pas considéré par les gens comme beaucoup de gestes, ça ne va pas l'annuler. Il y a des savants qui donnent une détermination. Comme dans le voyage, moi je vous ai cité un avis, car ce que je voulais, c'est l'exemple, et non pas l'avis juste, ou l'avis prépondérant. Je voulais juste l'exemple. Ici également, il y a des savants qui ont dit, beaucoup de gestes, c'est 3 gestes dans un seul pilier. Dans la récitation de l'Fatiha, ils se frottent la barbe 3 fois. Pour eux, ça c'est beaucoup de gestes dans un seul pilier, ça annule la salat. Il y a d'autres savants qui donnent un critère plus précis et plus proche de la vérité, wallahu alam. Ils disent al-fi'l al-kathir, yani beaucoup de gestes, c'est ce que la personne fait dans salat de manière à ce que tu la vois, tu penses qu'elle prie pas. Si tu le regardes de loin et tu sais pas ce qu'il est en train de faire, pour toi, il n'est pas dans salat. Tellement il bouge et il fait des gestes. Ça, Allahu alam, c'est plus proche de la vérité. En tout cas, ce qui est demandé dans salat, et ça c'est parmi les significations de la concentration. La concentration, le khushu' dans le cœur, c'est qu'il soit rempli par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa crainte. Et la concentration dans les membres, c'est de ne pas les bouger. Ça, c'est la concentration. Le khushu' dans le cœur et au niveau du corps. Et s'il y a un besoin de se gratter ou quelque chose, il n'y a pas de mal. Mais il faut que la personne sache qu'elle est dans salat et que la règle de base, c'est qu'elle ne fait que ce qui est légiféré dans salat. La 8e chose qui annule la salat, intiqadu tahara, perdre les ablutions, et ça coule de source. Yani, les ablutions ou la pureté, at-tahara, la purification, est une condition de validité de la salat, comme on l'a vu. Et il est demandé de la voir et d'être dans cet état de pureté, jusqu'à la fin de ta salat. Il est demandé d'avoir cette tahara jusqu'à la fin de salat. Si jamais la personne perd ses ablutions, la salat s'invalide authentiquement. Comme il a été rapporté par les deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, Nabi alayhi sallam a dit « La yaqbalu Allahu salatan min ahadikum hatta yatawadda » Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc, la purification est une condition de validité que tu dois avoir du début de ta salat jusqu'à la fin de ta salat. Voilà les huit choses qui ont été citées. D'autres savants citent parmi ce qui annule la salat, mais c'est ce point-là, ça coule de source. Ils citent que délaisser une condition ou un pilier annule la salat. Que ce délaissement soit par ignorance, par oubli, par distraction, volontairement, involontairement, tout ça annule la salat. Également, le délaissement d'une obligation annule la salat si c'est volontaire. Délaissement d'une obligation annule la salat si c'est d'une manière volontaire. J'ai pensé à ce qui est détestable dans le salat. Je vous cite quelques exemples. Ils disent faire des invocations à des endroits dans le salat où ce n'est pas légiféré de faire des invocations. Par exemple, faire des invocations dans Rukou'. Rukou', ce qui est légiféré, c'est ta'zim al-Rabb, vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas légiféré de faire des invocations. Également, réciter le Coran dans le recours ou dans le sujoud. Ça, c'est détestable. Également, craquer les doigts pendant salat et les croiser. Fermer les yeux. Ce qui est demandé dans salat, c'est que ton regard soit yani vers l'endroit où tu poses ton front dans ce jour et tu ne fermes pas les yeux durant toute la salat. Certains disent quand je ferme les yeux j'ai plus de concentration. La réponse des hommes de science, ça hada min tala'ub ash-shaytan wa min ghurur ash-shaytan, ça ce sont des leurs de shaytan. Il te fait croire que faire l'inverse de la sunna te permet d'avoir plus de concentration. Donc dans toute salat, tu regardes l'endroit où tu mets ton front dans ce sujoud, excepté quand tu fais tashahhud, tu regardes l'index que tu bouges dans tashahhud. Également, penser à des choses de dunya. Ça, c'est détestable dans salat. Penser à des choses de dunya. Faut faire des efforts, car ça nous arrive à tous. Mais ce qui est demandé, c'est que le croyant, il repousse ses pensées qui viennent de Shaitan. Et il ne le suit pas dans ses pensées. Commence avec lui, avec la facture du gaz, et après la facture d'électricité, est-ce que tu as payé, t'as pas payé, t'as oublié. Yani, jusqu'à terminer sa salat dans cet état. Dans cet état, et il ne t'est accordé comme récompense de ta salat que la partie dans laquelle tu as eu le khushu'. C'est pour ça qu'il y en a qui prient, ils n'ont qu'un dixième de leur salat. Un dixième de la récompense de salat seulement. Et il y en a qui peuvent rien avoir de la récompense de salat. C'est juste qu'il a fait son obligation. Wallah al-musta'an. Donc d'une manière générale, ce qui s'oppose, ce qui est détestable dans le salat, c'est tout ce qui s'oppose à ce qui est recommandé dans le salat. C'est tout ce qui s'oppose à ce qui est recommandé dans le salat. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.